Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie. Nous sommes le mardi 23 octobre, il est 18h, c'est les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture aujourd'hui par 346 voix contre 181 le volet recettes du projet de budget pour 2019 qui prévoit des baisses d'impôts pour entreprises et ménages, mais qui est synonyme de baisse de pouvoir d'achat selon les oppositions. Les députés Marcheurs et Modem ont voté pour, les socialistes communistes et insoumis contre, comme le groupe Les Républicains pour des raisons différentes. Les UDI agiront majoritairement choisi l'abstention, de même que les membres du nouveau groupe Liberté et Territoire. La SNCF mène une vaste opération anti-fraude dans les 6 grandes gares parisiennes. Près de 550 agents SNCF sont mobilisés dans les gares parisiennes appuyés par la police et les douanes. Ils bloquent tous les accès aux quais des trains de banlieue depuis 15h. La SNCF table sur environ 300 000 personnes contrôlées. Cela devrait permettre d'épingler environ 40 000 fraudeurs selon la compagnie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a indiqué que le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi avait été planifié des jours à l'avance et que le système de vidéosurveillance du consulat saoudien avait été désactivé. Le gouvernement saoudien assure lui que toutes les personnes impliquées dans le meurtre du journaliste devront rendre des comptes, peu importe qui elles sont. Le roi Salman et le prince héritier Mohamed Ben Salman ont reçu des membres de la famille de Jamal Khashoggi. C'est une première dans l'histoire de l'Union européenne. La Commission européenne a décidé de rejeter le projet de budget pour 2019 de l'Italie. Hier, le gouvernement italien a maintenu ses prévisions de budget jugées hors des clous par les Européens. La Commission européenne a demandé au gouvernement italien de présenter un nouveau document dans les 3 semaines. Enfin, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a annoncé que les trottinettes et les autres nouveaux engins de déplacement personnel allaient voir leur utilisation encadrée en créant une nouvelle catégorie de véhicules dans le code de la route, notamment en raison des accidents en forte hausse. La ministre a également indiqué que les services de mobilité partagés en libre service seront aussi encadrés. Sur la plus normande des radios, Dorian. C'est parti jusqu'à 21h et on commence avec Daddy Yankee et son Dura. Belle soirée. Espace, espace, plus de son, plus de tubes. Si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, dura, dura, dura, dura, que está dura. Mano arriba porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que está dura. Yo te doy un 20 de 10. Está dura, dura, dura. Tú eres la máquina de baile. No tiene a nadie, vente pa' mi brazo, caile.

L'Eden Rock, l'esprit live à Pont-Audemer. Venez vous régaler avec une cuisine du monde, burgers, chili, tapas, ribs, mais aussi des bières originales et inattendues et de la musique très rock'n'blues. Prenez un verre et profitez de nos soirées à thème. 100% découverte de talents régionaux avec Happy Hours de 18 à 19h. Vous aussi, contactez-nous sur les réseaux et venez jouer. Le vendredi, soirée thématique dansante ou karaoké avec DJ et le samedi, concert live. L'Eden Rock à Pont-Audemer sur le site de la gare 02 78 08 40 00. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Artisans du Monde, premier réseau de boutiques associatives équitables en France, vous propose plus d'une centaine de produits alimentaires, savoureux et biologiques, ainsi que des produits artisanaux de qualité. Art de la table, décoration, jouets, bien-être. Nos bénévoles vous accueillent le mercredi de 15h à 19h et les vendredis et samedis de 10 à 12h30 et de 15 à 19h. Retrouvez Artisans du Monde à Louviers, au 13 rue du Châtel, près de la place de la Halle. Retour des meilleurs tubes dans quelques secondes sur Espace. Ce sont les 10 ans de la fête de la pomme, du cidre et du fromage à Conchandouche. Venez les fêter le dimanche 28 octobre à l'Arboretum. Entrée et animation gratuite. Info 02 32 30 76 42 et sur le www.conche-en-ouche.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. But you never see the pages that I left behind. Eye to eye with the evil, through the valley of death. It's really gonna know now, how far would you go now? Would you follow me, follow me, follow me? Ain't hiding a secret place. Would you start asking questions, or would you trust this place? Would you follow me, follow me, follow me? Are you my ride or die? Would you cry or not cry? Don't lie. Would you miss me when I'm gone? Follow me.

Bonjour, le FLEP de Vendrimard organise pour la première année sa fête de la pomme et du terroir. Rendez-vous le 28 octobre de 10h à 18h au centre socio-culturel. Vous y trouverez un groupe folklorique normand, un marché fermier, un concours de tarte aux pommes ouvert à tous, remise des tartes à partir de 10h, exposition de matériel de brassage et surtout un repas normand le dimanche midi. Au menu, feuilleté d'andouillette, sauce camembert, filet mignon au cidre, purée, salade fromage, tergoule pour 13 euros. Sur réservation au 06 27 34 39 58. À bientôt. Bonjour, à Écardonville-sur-Eure, Aix-Passy-Louviers, le week-end des 27 et 28 octobre, l'école Buissonnière vous invite à venir découvrir une soixantaine de photos montées sur mousse, amateurs, adultes et enfants. Le thème cette année, c'est la matière. Uniquement le fer, le bois, l'eau, la terre, la pierre. Une tombola est organisée pour gagner un des tirages. Venez nous rencontrer et partager vos points de vue sur ces clichés, car des prix coup de cœur du public seront attribués dimanche en soirée. Exposition photo, Écardonville-sur-Eure, samedi 27 octobre, 14h, 18h, dimanche 28, 10h, 18h. Merci à Radio Espace. Shawty and me on a late night. Got a man, got me thinking Shawty ain't right. She say she ain't about the creep life, but all she wanna do is take pipe. Ain't mad at nobody, I just wanna have your body. Nah, I can give you the key, girl. If you can meet me in the lobby, talk about it. Oh, I'll lay you down and go down, girl, till I reach your ocean. Oh, so come and get this dirt. We need that fix, that medicine. I know you like it like this when you get that itch. Adrenaline, heartbeat out of your chest. And when that pressure's building, I got what you need. Come fuck with me. And when you get that feeling, I got sexual healing. Time I end up inside, soaking wet, turning bed to a slip and slide. It's pretty good, nigga, eating like it's supper time. Shorty know whose is it, it's all mine. Ain't mad at nobody, no, I just wanna have your body. Now if you can take it deep, then let a nigga like me get it that body, girl. Oh, I'll lay you down and go down, girl, till I reach your ocean. Oh, so come and get this, girl. We need that fix, that medicine. I know you like it like this when you get that itch. Adrenaline, heartbeat out of your chest. And when that pressure's building, I got what you need. Come fuck with me. And when you get that feeling, I got sexual healing. Les messages comme d'habitude, c'est au 0 950 35 50 50. Soyez prudents si vous êtes sur la route. Et je vous rappelle que vous avez rendez-vous du côté de Forges-les-Eaux ce week-end, samedi plus précisément, pour un concert hommage à Johnny Hallyday organisé par le gang Le Perron et les musiciens de Johnny Hallyday. C'est à ne surtout pas manquer. Et puis du côté de Conches-en-Ouche, vous avez rendez-vous pour la fête de la pomme, du cidre et du fromage ce dimanche 28 octobre. Voici Police, Walking on the Moon, en mode souvenir. Steps are what you take, walking on the moon. I hope my Walking on the Moon sur Espace en Normandie, en Picardie. Bonne soirée à tous, bon retour chez vous, bonnes vacances si vous en avez, profitez-en, c'est toujours utile. Il est 18h30, voici l'actu locale et régionale avec la rédac. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Ce matin, la police a procédé à l'expulsion des 90 derniers migrants et militants du squat de l'ancienne maison de retraite rue du hameau des Brouettes, Armand. L'immeuble propriété de la ville était occupé depuis mai dernier. Les squatteurs ont été évacués dans le calme et emmenés par bus. La préfecture a indiqué que chaque personne sera orientée vers le dispositif auquel elle peut réglementairement prétendre et que le cas des familles et des personnes vulnérables est traité en priorité. Selon le département, l'aide sociale à l'enfance a pris en charge 13 mineurs non accompagné. Claire Aupetit, députée La République En Marche de la 5e circonscription de l'Eure, a déposé plainte pour des menaces de mort reçues à sa permanence basée à Étrépagny. Le courrier fait aussi référence à des élus des partis LREM, UDI ou Les Républicains. Claire Aupetit en appelle à une mobilisation républicaine et dénonce des comportements odieux et antidémocratiques de certains des élus qui libèrent ainsi les paroles et les actions de haine. Côté sport en basket, pour le compte des quarts de finale aller de la Leaders Cup, Évreux reçoit ce soir Nancy et Rouen se déplace à Lille. En hockey sur glace, en 16e de finale de la Coupe de France, les Dragons de Rouen se rendent ce soir sur la glace de Dunkerque. La Normandie dans le top 10 des plus belles régions du monde selon le classement de Lonely Planet en 9e position. C'est la seule région française à figurer dans le classement. L'éditeur anglais de guide de voyage préconise notamment de visiter la région en 2019 pour le 75e anniversaire du débarquement et la 30e Armada de Rouen. Les incontournables de la région sont également mis en lumière comme les produits de la mer, les fromages crémeux et les cidres, mais aussi la côte sauvage et romantique et ses plages délicieuses. Et puis, de la neige à Honfleur. Rassurez-vous, il ne s'agit que d'un tournage d'une publicité aujourd'hui et demain pour une marque de biscuits. Le quartier Sainte-Catherine est donc métamorphosé et des déviations de circulation sont mises en place. La publicité sera diffusée à la télévision dès novembre prochain pour les fêtes de fin d'année. Et puis, que faire avec ses enfants lors de cette période de vacances scolaires? Élément de réponse avec Solène Duloup. Jusqu'à lundi prochain, pour les vacances de la Toussaint, le centre nautique de Bernay propose un programme d'animation variés et ludiques à destination des enfants, des jeunes et des adultes. Yannick Faré, le directeur de la structure, tient particulièrement à faire de la piscine un lieu de vie pour les familles comme pour les ados. Chaque vacances, nous proposons un certain nombre d'activités. Alors, entre autres, on a pour les tout petits, les 3-6 ans, du jardin aquatique. Pour les 7-12 ans, du stand-up paddle avec des petites initiations, une découverte. Pour les plus hardis, avec des passages un petit peu plus techniques. L'après-midi, la structure gonflable modulable. Genre Koh-Lanta, hein, des fois, on leur propose certaines situations sur les parcours, par deux, se faire un petit peu des combats sur la poutre, par exemple, deux par deux, à qui va se faire tomber le premier. Aujourd'hui, c'est hyper, hyper important, attrayant, et ne pas avoir un simple bassin avec deux, trois tapis qui se battent en duel. Aucun intérêt. Il faut faire vivre la structure. Autre animation ludique, mercredi prochain, pour Halloween, une pool party avec DJ sera organisée pour les adolescents. Bien sûr, les vacances, c'est aussi l'occasion d'apprendre à nager ou de se perfectionner avec les maîtres nageurs, pour les plus jeunes comme pour les adultes. Cet apprentissage de la natation important, hein, les leçons de natation qui a une grosse demande, où on en donne le midi et le soir sur des rendez-vous. Selon Santé publique France, d'ailleurs, 23% des Normands disent ne pas savoir nager. Un reportage de Solène Duloup, et puis je vous retrouve dans un instant pour faire le point sur les prévisions météo pour mercredi. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie, avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Côté météo, pour demain, c'est un ciel un peu plus nuageux, mais encore de belles percées du soleil. 16 degrés sur l'Oise ou 17 degrés sur le Pays de Bray, Beauvais et Saint-Germain-la-Campagne. 18 degrés sur le plateau du Neubourg, la métropole Rouen-Normandie, Évreux et le Vexin normand. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Merci beaucoup Eric, prochain point d'actu avec toi, c'est à 19h30 pour l'instant, 18h34. Nouvelle demi-heure ensemble avec une petite fraîcheur, c'est Black Coffee et David Guetta Drive. Go fast enough to break free from the bond of your love, and I ain't been strong enough to let go and let God. I can't see clear enough to look past the dust you left behind, and I can't get high enough. To forget why I cry. écoutez Espace, la plus normande des radios. Favela sur Espace, toujours en Normandie, en Picardie, du côté de Gisors ou encore des Anglis. Merci d'être avec nous, belle soirée. Et n'oubliez pas, vendredi soir, 19h-21h, je vous retrouve avec Louis et Mickaël pour l'Open Show 2 spécial Halloween. On vous prépare pas mal de belles choses. Pour l'instant, 18h41, un peu de pub avant Ed Sheeran et son Happy Year. A tout de suite. Salon L Esthétique, le bien-être à votre porte. Entrez dans un monde de détente, de calme et de soins bio. Lucie s'occupe de vous, de votre confort avec des produits de qualité certifiés biologiques. Épilation, soins du visage, du corps, maquillage, manucure pour hommes et femmes. Prenez du temps, Lucie en a pour vous. Salon L Esthétique, 3 rue Saint-Jacques au Petit Andely. 09 82 23 66 10. Restaurant indien Le Taj Mahal à Louviers. Découvrez les entrées, plats, desserts et pains. Le Taj Mahal, c'est aussi un service traiteur. Plan emporté et livraison à domicile. Le Naan, fromage poulet plus frites ou pispollo, riz à 6,50€. Ou le Naan fromage chic kebab plus pispollo, riz à 6,50€. Le Taj Mahal, ouvert tous les jours midi et soir. Le Taj Mahal, place de la République à Louviers. 02 32 25 49 78 et www.le-tajmahal.com. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Besoin d'aide? Va sur JED, le premier réseau d'échange ponctuel de savoir-faire entre citoyens. Le seul annuaire numérique sécurisé et évalué par les utilisateurs. Cliquez sur www.ged-world.org. Ensemble, rentabilisons notre temps. L'association Fit Fever, qui se situe aux Andelys, vous propose des cours de Zumba et de Zumba Kids à partir de 4 ans, ainsi qu'un cours de street dance. Retrouvez-nous tous les mercredis pour les cours enfants et le samedi pour les cours ado-adultes de 10h à midi au gymnase Henri Boyer. Renseignements au 06 06 37 01 29 89 et sur fitfever27.wixsite.com/fitfever. Les meilleurs tubes reviennent sur Espace dans un instant. Rendez-vous samedi 24 novembre au complexe sportif Bernard-le-Duc à Cerifontaine pour une rencontre exceptionnelle de boxe qui désignera le champion de France de boxe professionnel Poicoque. Grand événement à Cerifontaine avec le boxeur local Hugo Legros, vainqueur du tournoi de France en 2016, invaincu en 11 combats et premier challenger officiel FFB au titre de champion de France. Hugo Legros, 25 ans, va tenter de détrôner le champion en titre Adel Adjoui, 16 combats pro dont 10 victoires et 6 défaites, boxeur au club de Rueil Malmaison. Venez nombreux samedi 24 novembre 2018 pour applaudir et soutenir votre boxeur Hugo Legros à Cerifontaine. La plus normande des radios, Espace Radio. Park. I saw you in another zone. Only a month we've been apart. You look happier. Saw you walk inside, but you said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier. You do. Happy Hour sur Espace, toujours en Normandie, en Picardie. Bonne soirée, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Espace Normandie, et laissez-nous vos messages 0 950 35 50 50. 18h47, voici pour vous notre sélection du jour. Tout de suite, le retour des sons et des tubes sur Espace. Bonsoir tout le monde, ça y est, c'est mardi le 23 octobre et c'est reparti pour une nouvelle sélection espace et puis au passage, bonnes vacances. Ce soir, dès 20h au 106 à Rouen, vous avez rendez-vous pour le concert de Elidji. Si vous avez vos places, eh bien profitez-en, ça s'annonce énormissime. Ensuite, je vous le rappelle, jusqu'au 18 novembre, sur l'esplanade Saint-Gervais à Rouen, c'est la foire Saint-Romain. N'hésitez pas à aller vous envoyer en l'air dans les manèges avec nos amis forains. Et on se dirige maintenant déjà sur ce week-end avec ce samedi 27 octobre dès 20h30 à l'espace de Forge à Forges-les-Eaux, le concert hommage à Johnny Hallyday organisé par le gang Le Perron. Une dizaine d'artistes sur scène et notamment les musiciens de Jean-Jacques Goldman. Info et réservation 02 32 89 80 80. Ce dimanche 28 octobre du côté de Conches-en-Ouche, c'est la fête de la pomme, du cidre et du fromage à l'Arboretum. Ça fête ses 10 ans. Plus d'infos 02 32 30 76 42 ou le www.conches-en-ouche.fr. Et vendredi soir, entre 19h et 21h, je vous retrouve avec Louis et Mickaël pour l'Open Show spécial Halloween. Soyez là, passez une très belle soirée. Llévame contigo densa, pa' mí, ayúdame a encontrar el amor estéreo. Mamá mía, nadie mueve como tú. Mamá mía, no hay nadie como tú. J'aimerais tant qu'on soit bien plus qu'ami. Prends-moi la main, fais-moi vivre un amour estéreo. Mamá mía, nadie mueve como tú. Mamá mía, y'en a pas d'elle-même. Elle marchait dans ma direction, j'attirais son attention. C'est ma seule chance, je dois la saisir. Je me suis remis en question, toujours la même impression. Elle m'ignore peut-être, j'aimerais tellement lui dire. Dame tu corazón, borraré tu pena. Serás la única linda flor, mi sola. Oublions le passé, nos erreurs, nos ébats. Bébé, vivons l'amour en stéréo. Et si ton cœur résonne pour moi, fais-le savoir. Si tu m'aimes encore, sache qu'il n'est jamais trop tard. Olvida el pasado, tu y yo ahora. Bébé, vivons l'amour en stéréo. Viens près de moi, densa, pami. J'aimerais t'en retrouver un amour en stéréo. Mamma mia, nadie rumbia como tu. Mamma mia, y'en a pas de comme toi. Mami, ven conmigo, hazlo, pami. Bailamos pa' encontrar el amor en stéréo. Mamma mia, nadie rumbia como tu. Mamma mia, y'en a pas de. Elle marchait dans ma direction, j'attirais son attention. C'est ma seule chance, je dois la saisir. Je me suis remis en question, toujours la même impression. Elle m'ignore peut-être, j'aimerais tellement lui dire. Dame tu corazón, borraré tu pena. Serás la única linda flor, mi sola. Oublions le passé, nos erreurs, nos ébats. Bébé, vivons l'amour en stéréo. Et si ton cœur résonne pour moi, fais-le savoir. Si tu m'aimes encore, sache qu'il n'est jamais trop tard. Olvida el pasado, tu y yo ahora. Bébé, vivons l'amour en stéréo. Sabelo quand je t'ai vu, maman. J'ai ressenti el fuego loco, loco. Je ne peux t'oublier ainsi, maman. Ne t'en va pas, bailamos en stéréo. Sabelo quand je t'ai vu, maman. J'ai ressenti el fuego loco, loco. Je ne peux t'oublier ainsi, maman. No te vayas, bailamos en stéréo. Piano stéréo sur Espace, belle soirée à tous. Et vous avez rendez-vous toutes les vacances de la Toussaint du côté du château de Beauménil pour les fantômes de Beauménil, une grande opération à l'occasion d'Halloween. Plus d'infos sur leur site internet www.chateaubeauménil.com. 18h51, la Proc Télé avec David Leroy, c'est maintenant. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le mardi 23 octobre. Ce soir sur TF1, de la bonne série américaine, oui, je sais être objectif quand il le faut, Good Doctors pour débuter la soirée et New York Unité Spéciale en seconde. France 2, la chaîne, a décidé de fêter la sortie du nouvel album de Johnny Hallyday avec une émission spéciale. Vos plus grands souvenirs, c'est Daphné Burki qui présente l'émission et nous propose les 51 moments de la carrière du patron à travers ses 51 albums. 23h25, un documentaire sur Johnny et surtout une interview réalisée en avril 2017. France 3, c'est le grand retour du Capitaine Marlowe. Cette série est un véritable carton à chaque diffusion. Elle arrive à battre tout le monde alors qu'elle porte un poncho et un bonnet péruvien. Comme quoi, tout est possible dans la vie du moment que tu y crois. C'est réalisé par José Daillon, l'atelier dans cet exercice. Canal, Au revoir de là-haut, une comédie dramatique de et avec Albert Dupontel. L'histoire se passe en 1920 au Maroc, après la Première Guerre mondiale, mais après, il va y avoir des embrouilles, des escroqueries. C'est perché, normal, c'est du Dupontel. Arte, l'Italie à l'heure des populistes, c'est un documentaire qui fait un constat sur la montée des extrêmes en Europe. M6, Stéphane Plaza va passer toute la soirée avec vous. Recherche, appartement ou maison. Bon, moi, j'aime pas le principe, ça me saoule. Mais bon, je suis sûr que c'est le genre de mec avec qui tu sais que tu vas passer un bon moment. Genre, tu vas bouffer un bout et tu vas te poêler. Le meilleur de la TNT, c'est 8 et Sadoumbia. Première consultation, c'est son one man. Je l'aime bien, lui aussi. Bon, ben, je crois que je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'aime trop de gens. Non, c'est pas possible. Je vais finir par tomber malade, ça ne me ressemble pas. J'appelle immédiatement mon médecin. Non, je dois couver un truc. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure. Et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande. Groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Espace. La plus normande des radios. Espace. En mode souvenir. En mode souvenir. Espace.

Espace, la plus normande des radios. Espace, en mode souvenir. En mode souvenir. Et évidemment, comme d'hab, laissez-nous vos messages 0950 35 50 50 et on les diffuse dans quelques minutes. Il y a aussi les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Espace Normandie. Soyez prudents sur les routes, notamment sur la voie rapide Louviers-Évreux. Il y a des travaux, attention. Voici Paco, à mort des Miss Amores, en mode souvenir. Passez une très belle soirée. La ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente eso no se enterará. Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente eso no se enterará. Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contentar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca. Il est bon ce morceau, Paco, à mort des Miss Amores sur la plus normande et picarde des radios, sortie en 1988 et inspiré du titre La Foule. Il est tout juste 19h30, belle soirée à tous, bonnes vacances. Voici l'actu locale et régionale avec la rédac. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous, tout d'abord les titres avec une évacuation de squat à Rouen. Claire Aupetit, la députée de La République En Marche de l'Eure, a déposé plainte. Et puis une soirée sportive. Espace. Ce matin, la police a procédé à l'expulsion des derniers migrants et militants du squat de l'ancienne maison de retraite rue du Hameau des Brouettes à Rouen. L'immeuble propriété de la ville était occupé depuis mai dernier. Les squatteurs ont été évacués dans le calme et emmenés par bus. Selon la préfecture, 103 personnes, dont 18 mineurs, ont été prises en charge. L'évaluation administrative de chaque personne a permis de l'orienter vers le dispositif auquel elle pouvait réglementairement prétendre. Claire Aupetit, députée La République En Marche de la 5e circonscription de l'Eure, a déposé plainte pour des menaces de mort reçues à sa permanence basée à Étrépagny. Le courrier fait aussi référence à des élus des partis LREM, UDI ou Les Républicains. Claire Aupetit en appelle à une mobilisation républicaine et dénonce des comportements odieux et antidémocratiques de certains des élus qui libèrent ainsi les paroles et les actions de haine.